9h-10h, 14h, 16h sur BFM. Tous les après-midi, les Audinautes font leur révolution. We love 10h, venez avec vos disques. Une nouvelle semaine qui commence sous le soleil et Eric Delancourt est avec nous, 38 ans. Bonjour Eric. Salut. Ça va bien Eric, le week-end était bon? Oui, très bien. En famille, sous le soleil, tranquillement. Oui. Eric Legdes, le petit pseudo, et la playlist WeFM 2004. Alors pourquoi cette année? À 2004, parce que c'est la création de Facebook. Facebook vient de fêter ses 7 années d'existence, là, en février. Et bah, c'est actuellement le site le plus visité au monde, 500 millions de membres. C'est énorme. Ouais, je crois que tu as rencontré quelqu'un en plus cette heure-là. Cette non, année-là. Non. En 2004. Enfin, c'est pas sur Facebook. Non, pas sur Facebook, mais t'as rencontré ta chère et tendre. Et donc, t'as choisi dans cette playlist du YouTube, Vertigo, bah, c'est avec eux qu'on attaque. En fanfare, WeFM, la radio rock, vous donne la parole tous les après-midi. I'm working. à bloc pour cette nouvelle semaine sur WFM, la radio rock, avec Eric Delancourt, notre programmateur. Cette heure-ci, Eric qui a fait sa playlist sur deezer.com/WFM et qui se penche sur l'année 2004, année effectivement où est sorti l'album La tête en arrière de Luc. Eric. Oui, avec le titre La Sentinelle, qui nous rappelle le 21 avril 2002. Et donc c'est encore aujourd'hui toujours d'actualité avec les sondages récents. Donc voilà. C'est vrai que là, on est en plein dans l'actu. Oh, en même temps, ce sondage va être contesté, je pense, prochainement. Et surtout, ils vont en refaire un autre. On va voir ce que ça donne pour de vrai. Luc, La Sentinelle, Eric l'a choisi. Deezer.com/WFM. Vous pouvez faire votre playlist aussi. C'est gratuit. Et les sourires étaient les mêmes. Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison. Vous n'entendez donc que la bête et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence aux fossoyeurs de compassion, aux mijaurés la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte-attelle, j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Ravale donc ta rengaine. Avale donc tes sanglots, de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? J'ai eu ce cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom. Je donne ma main à l'enfer, sous vos crachats ma rédemption. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine c'est un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? White guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate. Play us straight. At least you know. team, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Quattro, cinco, cinco, six. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. C'était assez surréaliste cette scène. C'était jeudi dernier, je crois, dans la rédac. Sacha était en train de préparer son émission. Il surfait sur le net tranquille et il tombe sur cette annonce Offspring en concert à Paris pour une date unique. C'est le 31 août, c'est au Zénith. Ça fait déjà couler beaucoup d'encre sur le net. Et alors sachez que pour l'instant, on ignore encore la première partie. C'est TBA to be announced. Mais la mise en vente des places, ça c'est sûr, a lieu lundi prochain. Ça veut dire que lundi soir, bah, il n'y en a plus. Dans un instant, les Wings, Live and Let Die et JJ Cale pour l'original de Cocaine. C'est sur WFM, la radio rock. Bring the Noise, la seule émission alternative rock de la bande FM. Au programme, actualité, invités, sessions live exclusives et nouveautés ultra rock. Bring the Noise. Bring the Noise. Rendez-vous du lundi au vendredi de 23h à 1h. Et le dimanche, à partir de 22h. De sa Hollande natale, 86 by Bavaria a gardé les ingrédients naturels. L'orge, le houblon, l'authenticité du savoir-faire, la fraîcheur du nom pur, mais aussi la force des arômes, l'originalité et la puissance du goût pour un véritable concert de saveurs. 86 by Bavaria, démesurément bière. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Cet homme explique à son bébé que depuis qu'il a appelé la Mutuelle Générale au 3903, toute la famille profite maintenant d'un mois de cotisation offert tous les ans. La Mutuelle Générale, ça va déjà mieux. Détail au 3903, offre soumise à condition. Chers clients, la FNAC a le plaisir de vous inviter au point de départ de votre télévision analogique. Une belle surprise vous attend. C'est le dernier jour avant le passage à la télé tout numérique. C'est le moment de découvrir les offres télé de la FNAC. Et du 4 au 7 mars, profitez de 10 euros de chèque cadeau tous les 100 euros d'achat sur toutes les télés. Offre réservée aux adhérents, valable dans les FNAC de Paris et d'Île-de-France, non cumulable, voire conditions en magasin sur FNAC.com. FNAC, agitateur de curiosité. Ils reviennent tout en douceur sur Radio Disneyland Paris, les Kids Go Free. Gratuit, gratuit, gratuit. J'ai envie de gratuit. Quelle émotion! Surtout n'oubliez pas qu'à Disneyland Paris, en achetant certains billets franciliens, le même billet est gratuit pour un enfant de moins de 12 ans. Mais dépêchez-vous les kids, vous n'avez que jusqu'au 5 avril. Offre soumise à condition, billets franciliens à partir de 30 euros, ouvert à tous. Allô? Le conseiller Gaz de France Dolce Vita? Oui, bonjour. Bonjour, je vais rénover ma maison et je voudrais qu'elle devienne moins coûteuse en énergie. Il paraît que vous pouvez m'aider. Tout à fait. On peut commencer par un diagnostic pour voir comment réaliser des économies d'énergie. Bien. Et après, on fait quoi? On trouvera ensemble la meilleure solution à mettre en œuvre selon vos besoins et votre budget, bien sûr. Enfin, ça me va. On peut signer par téléphone? Non, pas encore, non. Appelez nos experts économie d'énergie au 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la. One, two, one, two. Mais ça veut dire quoi, parlons vrai? Pour BNP Paribas, parler vrai, c'est être capable de réduire les délais quand c'est vital pour l'entreprise. Alors, écoutons Jean-Marie Vizilit, chef restaurateur de la Voile Blanche à Metz. C'est vrai que c'est pas facile de nous prêter de l'argent. On a un métier qui est pas évident, qui est le métier de l'hôtellerie, de la restauration. J'ai rencontré Aurélie, conseillère BNP Paribas. Ils m'ont tout de suite compris. Ils ont demandé les documents qu'il fallait. La réponse a été très très rapide. Pour vos projets de création d'entreprise, parlons vrai. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Avec la GMF, Paul est serein. Il a choisi la complémentaire santé de la GMF. Une protection efficace et très économique. En plus, la GMF lui offre 100 euros de réduction pour sa première souscription, comme à tous les agents des services publics de moins de 30 ans. Il peut donc penser à autre chose qu'à son assurance santé. Aïe! Oh! Ce qui est humain après tout. GMF, à assurément humain. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Conditions au 0970-809-809 ou sur gmf.fr. La planète Mars, c'est tout rouge, c'est super joli. Et c'est grand, trop grand. 144 millions de kilomètres carrés. En plus, il y a plein de poussière, on n'y voit rien. Et vous n'auriez jamais trouvé les offres d'un autre monde. Du coup, ben on vous les a ramenées chez Renault. En mars, le réseau Renault vous accueille avec des offres d'un autre monde. Par exemple, Clio Pépite au prix incroyable de 10 490 euros. Pour Clio Pépite 3 portes 1.2, 16V75 Eco 2. 500 véhicules disponibles, offre non cumulable, conditions sur Renault.fr. Portes ouvertes du 10 au 14 mars. Ouverture le dimanche selon autorisation. Hey, c'est l'anniversaire gagnant. J'ai eu. Hey, dites, oui. Vous savez qu'en ce moment, chez U, il y a un très beau cadeau à gagner chaque jour, comme un ordinateur portable, une télé LCD ou un appareil photo, vous savez ça? Ah, et bah dites donc. Attendez. Et par exemple, vous pouvez aussi gagner une console de jeu, un téléphone mobile ou un lecteur Blu-ray. Oh, et vous, vous rêveriez de quoi? Moi? Ah, du GPS, pour partir loin, très loin. Grand jeu gratuit du 8 au 19 mars, un tirage au sort par jour, voire conditions dans les Hyper U et Super U participants. Les nouveaux commerçants. Dans une minute, c'est le retour du rock sur UFM. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Retrouvez-moi le mercredi 23 mars dès 18h pour la grande finale Rock the Gibus à l'Olympia. Découvrez la nouvelle scène rock française avec Hangar, Boxon et plus de 10 groupes en live. Je présenterai moi-même les groupes pour cette soirée exceptionnelle. La finale Rock the Gibus, c'est mercredi 23 mars à l'Olympia. UFM. Salut, c'est Dom Kiris. Salut, c'est Sacha. Au secours, c'est du live. Invite les meilleurs groupes en session live acoustique. En direct et sans bidouillage. Plus une reprise surprise. Mais c'est quoi la reprise? Bah, c'est une surprise. Au secours, c'est du live avec Dom Kiris tous les jours, 19h, 21h. Oui. Oui, FM. When you were young and your heart was an open book, you used to say. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Cocaïne par JJ Kale sur Wii FM. We love 10h, 14h, 16h sur Wii FM. Tous les après-midi, les Audinautes font leur évolution. We love 10h, venez avec vos disques. Et si par hasard, un jour, vous baladez près des Longcours, vous pourrez croiser Eric près de la mairie. Eric est avec nous, c'est lui le programmateur cette heure-ci avec sa playlist Wii FM 2004. En 2004, Eric, qu'est-ce qu'on écoute? Du Muse, par exemple? Par exemple, oui, mais alors si tu me le permets, puisqu'on parle de cette année 2004, ouais. J'aimerais juste en profiter pour simplement embrasser ma muse Delphine. Voilà, ma femme que j'ai rencontrée cette année-là, comme tu l'as indiqué tout à l'heure. C'est aussi elle qui t'a inspiré pour cette playlist. Aussi. Je le sais. Et donc Muse, Hysteria, ça envoie bien. Oui, j'aime beaucoup ce titre, j'aime bien la ligne de basse, le début du titre. Ah, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Ouais. D'ailleurs, c'était la musique d'une pub avec une fille qui envoyait ses cheveux partout. C'est exactement l'image qui me vient quand je l'entends. Muse avec Hysteria. Pour faire votre playlist comme Eric sur deezer.com/WeFM, vous choisissez vos 25 titres préférés, dont 10 chantés en français. Oui FM, la première radio rock de France, doit diffuser ses programmes à Marseille. Nous avons besoin de vous. Pour nous soutenir, cliquez sur la bannière. Oui FM. La radio rock. La journée internationale de la femme. Et pour dire à quel point ils aiment la femme, Thomas et Quentin seront là avec deux playlists spéciales. Les prochaines journées spéciales qui m'intéressent, c'est notamment la Saint-Patrick, et ça c'est jeudi prochain, le 17. Et il faut donc envoyer vos playlists dès maintenant si vous avez des idées autour de cette fête-là sur deezer.com/ouifm. Eric, toi, on se fait le focus sur l'année 2004 après U2, Luc et Muse. C'est le Guitar Hero que tu nous proposes, Mathieu Chédid. Oui, sur qui de nous deux évoque la dualité guitare-guitariste avec un très joli texte, bien écrit et bien interprété avec une belle guitare toute rose. Complètement, la fameuse guitare de Mathieu Chédid, il est connu pour ça. Qui de nous deux, c'est Eric qui l'a choisi sur deezer.com/ouifm. Retrouvez sa playlist, son pseudo c'est Erilek Des. On y va. Pose à mon cou, et si à ma voix, un instants oniriques. Membre fictif, acoustique, féline électrique, ami. Ce titre, vous l'avez découvert sur Oui FM. By the meeting of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you said, that I may never know. I can sometimes go. How far I can sometimes go. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. Just a word that I could keep, or just a word that I could keep. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. On your fear, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet. SFR Live Concert vous invite au concert privé de Cocoon Studio SFR ce jeudi à 9 rue Tronchet à Paris, c'est à Madeleine. Un concert exceptionnel qui sera aussi retransmis en direct sur WeFM, en vidéo sur les mobiles SFR 3G+, la 9 Box TV et SFRmusique.fr. Et vos places, vous les gagnez tout à l'heure, 16h-19h avec Bob. We love 10h, 14h-16h sur WeFM. Tous les après-midi, les Audinautes font leur révolution. We love 10h, venez avec vos disques. Ah, alors là, il y a un mini scandale sur le net puisque les enfoirés ont eu la bonne idée de reprendre J'ai demandé à la Lune d'Indochine, écrit par Mickey 3D, et d'en faire On demande pas la Lune. A priori, c'est un véritable massacre. Je sais pas si t'as écouté, Eric. Oui, c'est un massacre. Ah, c'est un massacre, d'accord. Et on parle de Mickey 3D puisque tu l'as choisi dans ta playlist. Exact. Bah, donc, c'est avec le titre Respire, chanson très militante, écologique. C'est d'ailleurs avec ce titre que j'ai découvert le groupe. C'était la chanson de l'année 2004 aux Victoires de la Musique. Donc voilà, très beau clip également. Eric qui bosse à la mairie d'Elancourt et qui continue à faire de la politique sur WeFM tous les tous les après-midi dans We Love Deezer pour faire votre playlist hein, de toute façon. Bon courage à toi Eric. Merci, à bientôt. À très vite, ouais, deezer.com/WeFM pour faire comme lui, Eric Legdès et sa playlist WeFM 2004. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups

sur WFM, la radio rock, la suite du programme avec Pixol, le brio, tout droit venu des années 90, et puis Robert Francis, le Californien aux dents blanches, avec Junebug. Alors lui, il n'aurait pas été à sa place dans le film Fighter, qui sort mercredi, un film de David O. Russell avec Mark Wahlberg, Christian Bale et Amy Adams. Notons quand même qu'il y a eu deux Oscars pour ce film et pour les seconds rôles. C'est un petit peu dégueulasse pour Mark Wahlberg. Le pauvre, il est très bon en plus dans ce film. En gros, c'est l'histoire vraie de Mickey Ward, un jeune boxeur, et de son demi-frère Dickie, qui a fait pas mal de tôle et qui vont tenter ensemble de réussir ce qu'ils ont raté chacun de leur côté en surmontant leurs différences pour prendre leur revanche sur la vie. C'est à voir, avec surtout de magnifiques scènes de combat à couper le souffle, et c'est le cas de le dire puisque ça se passe sur un ring. Pour gagner vos places maintenant pour aller voir Fighter dès mercredi, vous envoyez WFM et votre numéro de téléphone au 7200, un petit SMS WFM et votre numéro de téléphone au 7200, et bien sûr je vous file deux places. Toujours plus de cadeaux à gagner sur WFM. Cette semaine, écoutez WFM et gagnez le disque d'or de Lilywood and the Prick, remis en main propre par le groupe. Des albums de BDI, le nouveau groupe de Liam Gallagher. Le dernier album de Jean-Louis Aubert. Des places pour l'avant-première du film Fighter. Des places pour le bal de l'Élysée-Montmartre. Pour les Rock Lab. Pour le festival Les Trois Baudets. Mais aussi des places pour le concert privé de Cocoon au studio SFR. WFM, la radio rock. Demain soir à 20h30 sur Canal+, il y a Barça-Arsenal. Seulement voilà, vous n'avez pas Canal+. Alors bien sûr, vous pouvez toujours passer la soirée à jouer à la baballe avec le chien. Ou alors, vous pouvez opter pour la carte prépayée Canal+ et accéder à tous les programmes des chaînes Canal+. La carte prépayée Canal+, c'est nouveau. C'est 7 jours pour seulement 10 euros. Et pour en profiter, c'est simple, c'est sur prépayécanal.fr ou au 3910. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. Accessible sous réserve de recevoir la télévision par ADSL, offre soumise à condition 23 centimes la minute. Allô, le conseiller gaz de France, Dolce Vita? Oui, bonjour. Mon beau-frère me soutient que l'entretien de ma chaudière est obligatoire, c'est vrai? Absolument, oui, c'est obligatoire une fois par an pour des raisons de sécurité. Ah. Et en plus, ça peut vous permettre de réaliser des économies d'énergie. Ah, intéressant. D'ailleurs, on peut vous proposer un choix de professionnels compétents sélectionnés par nos soins. Quand je vais dire ça à mon beau-frère? Ah, il va être ravi. Appelez nos experts économie d'énergie au 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avec la GMF, Paul est serein. Il a choisi la complémentaire santé de la GMF. Une protection efficace et très économique. En plus, la GMF lui offre 100 euros de réduction pour sa première souscription, comme à tous les agents des services publics de moins de 30 ans. Il peut donc penser à autre chose qu'à son assurance santé. Aïe ! Oh ! Ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Conditions au 0970 809 809 ou sur gmf.fr. Excusez-moi, c'est un nouveau modèle ? Golf Hostile, l'incontournable de la saison. Jante 16 pouces, calandre chromé, rétroviseur laqué noir, chic et sobre. Volant cuir, Bluetooth, clean, radio CD. C'est super, mais c'est trop cher. 13 870 euros. Ah bon ? Le bon ne se paie pas toujours au prix fort. Volkswagen Golf Style suréquipé à partir de 13 870 euros seulement. Condition de l'offre chez votre concessionnaire Volkswagen. Zanetti Automobile vous accueille à ses journées portes ouvertes le 11, 12 et 13 mars. Attention, événement. The Offspring est de retour sur scène. Les enfants terribles du punk rock vous donnent rendez-vous le 31 août au Zénith de Paris. Ouverture des locations lundi 14 mars sur avobillet.com. The Offspring en concert le 31 août au Zénith. Un concert nous production. Super assistante de Super Speedy, bonjour. C'est super surpris à l'appareil. C'est vrai que la révision haute protection de Speedy, c'est bien plus qu'une révision traditionnelle. Oui, elle comprend la révision traditionnelle, mais aussi un diagnostic électronique complet et un contrôle pneumatique approfondi. Je suis super mal. Vous êtes super surpris ou vous êtes super mal? Je suis super mal, je tiens le garage d'à côté. Oh, Speedy invente la révision haute protection qui laisse votre garantie constructeur intacte. Informations sur speedy.fr. La planète Mars, c'est tout rouge, c'est super joli. Et c'est grand, trop grand, 144 millions de kilomètres carrés. En plus, il y a plein de poussière, on n'y voit rien. Et vous n'auriez jamais trouvé les offres d'un autre monde. Du coup, ben on vous les a ramenées chez Renault. En mars, le réseau Renault vous accueille avec des offres d'un autre monde. Par exemple, Clio Pépite au prix incroyable de 10 490 euros. Pour Clio Pépite 3 portes 1.2, 16V75 Eco 2. 500 véhicules disponibles, offres non cumulables, conditions sur Renault.fr. Portes ouvertes du 10 au 14 mars, ouverture le dimanche selon autorisation. Eh, c'est l'anniversaire gagnant. J'ai eu.

c'est Julien, il est 15h sur Wii FM. Le nouvel album de The Do est enfin disponible. Wii FM vous l'offre maintenant au 0821 23 1023. Album à gagner.